Chapitre 20e. Oblast de Kemerovo, base militaire d'Oliarask, deuxième quinzaine d'août. À la grande joie du vice-premier ministre Koslov, du stratège-commandant Verkhoturov, des lieutenants-colonels Kuznetsov et Pavlova, ainsi que du chambellan Rakhamov, la phase 1, opération piège à ours, fonctionnait à merveille. L'oblast de Kemerovo était en proie à des incursions régulières des groupes de Mujahideen d'Islomi Harakati Mukawama, le mouvement de résistance islamique. Les combattants s'avéraient insaisissables. Cependant, lors des premières escarmouches, les Russes avaient infligé à leurs ennemis des pertes significatives. Kemerovo, côté russe, mi-août. Vers le 14 août, le colonel Cyril Trofimov reçut un pli spécial. Il émanait d'un certain général Rostopchine. Ce chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air lui annonçait que, compte tenu des tensions dans l'Altaï, de grandes manœuvres de l'aviation étaient programmées du 17 au 24 septembre de l'année en cours. À cette occasion, plus de 100 avions de combat SU-27, MiG-31, SU-34, des bombardiers SU-24, des hélicoptères Mi-8, Mi-24 et Mi-28 seraient engagés. Rostopchine avertissait Trofimov qu'il avait ordre de faire installer des polygones cibles par ses soldats du génie et qu'il devait laisser la direction de l'héliport au lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov pour la durée de l'entraînement. Il s'agissait de tester d'une part les capacités des forces aériennes à détruire des cibles terrestres, d'autre part l'aptitude des systèmes de défense à lancer des missiles sur le polygone de Tchoumisk dans le kraï de l'Altaï. Il avait été envisagé que les manœuvres se déroulent en deux phases. Lors de la première, certains avions devaient se redéployer en partant des bases aériennes septentrionales du district militaire occidental vers les aérodromes du district militaire sibérien. La seconde prévoyait que d'autres avions de combat décollent des aérodromes en direction des montagnes et de la zone frontalière. Trofimov en déduisit qu'à Moscou, l'état-major avait décidé, à travers cette démonstration de force, d'intimider les djihadistes. Il imaginait la tête que ferait Imadedinov en voyant cette flotte sillonner son ciel. Il se sentit fier de représenter la civilisation face à la barbarie. Il alla se chercher une bouteille de vodka pour fêter ses grandes manœuvres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Kuznetsov, l'agent de renseignement des Volkodlak, avait repéré un espion d'Imadedinov dans les services du général Rostopchine. S'était demandé comment neutraliser le correspondant félon tout en l'utilisant. Le tacticien Sernine forgeait l'alibi des grandes manœuvres. Il choisit le général Rostopchine puisque sa secrétaire, Oudmourte, de confession musulmane, était la taupe qui transmettait des informations secrètes au Tashkir, au Sir Imadedinov. Une note sur les opérations militaires lui fut dictée. Elle s'empressa de la transmettre au bureau du général Yusup Imadedinov, le président tokaristanais. Aussitôt contacté par Koslov, le président Popov apprit avec satisfaction que les dirigeants des Mujahideen d'Islomi Harakati Mukawama avaient entre leurs mains la vraie fausse note confidentielle sur les dates des grandes manœuvres dans l'oblast de Kemerovo. « Parfait, Alexandre. Laissons-les à présent s'occuper du grain que nous leur avons donné à moudre. » Tokaristan, côté islamiste, fin août. Voilà plusieurs jours qu'Imadedinov et Charizov, son bras droit, analysaient la note transmise par la secrétaire de Rostopchine, ignorant toujours qu'ils étaient le jouet d'une machination. Trofimov avance, masqué au cas où il y aurait une fuite, dit Nurlan Chazinov, avec un sourire entendu. Il nous frappera entre le 16 et le 23 septembre, c'est certain. Comme ensuite c'est la trêve religieuse de l'Aïd el-Kébir, les Russes pourront voir dans quel état nous sommes et adapter leur stratégie globale. Sortant un journal du tiroir de son bureau, Imadedinov indiqua. Il est mentionné dans la Pravda que la commission parlementaire de la Douma, sur les attentats des Veuves Noires, auditionnera Rakhamov, le député sortant de Birsk, qui vient de terminer son mandat de 4 ans à la tête du Bashkortostan, la République de Bashkirie. Elle rendra publiques ses conclusions officielles le 10 septembre. Bien qu'il soit musulman, nous n'avons rien de bien à attendre de lui. Il a combattu sans pitié nos frères radicaux lors de son mandat. Charizov, toujours prompt à intervenir, souligna. Ils auront le mobile et la logistique pour déclencher sur nous le feu du ciel. Il faut que nous frappions le 11 septembre. Nous serions les premiers. Imadedinov, enfin stratège, reprit sans sourciller. Le 11 septembre ne serait pas médiatiquement une bonne idée. C'est une journée trop chargée d'histoire. Nous attendrons que Rakhamov ait parlé et qu'il ait incriminé le Tokaristan. nous lancerons notre offensive majeure entre le 12 et le 15 septembre. Ce que nous devions faire en 6 jours, il faudra le faire en 3. J'attends de chacun de vous des variantes tactiques pour les parties du plan qui vous concernent. » Les 8 officiers présents avaient une question importante à poser. Ils voulaient savoir quand arriverait le contingent promis par le Koweït et quelle serait sa mission. Imadelinov donna sans détour l'information. « Nous aurons à notre disposition la division Hantchar, l'ancienne légion islamique bosniaque. » Un frisson de bonheur se lut sur leur visage. Azedine, le palestinien, questionna. « Toute la division ?» Imadelinov répliqua avec ostentation. « Oui, les 6 000 hommes. » La nouvelle Hantchar avait vu le jour en pleine guerre de Yougoslavie. Garde prétorienne du président islamiste Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine, elle avait été constituée à partir de djihadistes du monde entier. Elle était payée et équipée par les pétromonarchies du Golfe Persique. Elle prit le nom de l'antique division SS des musulmans qui avait, dans les années 1940, les directives spirituelles et politiques du grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, alors allié à Hitler. Bilal l'Algérien demanda comment un tel miracle était possible. Imadelinov ne consentit pas à répondre lui-même et laissa le fidèle Charizov, qui avait traité avec les Koweïtiens, indiquer la nature du marché. Nourlan Charizov se raclant la gorge. J'ai rencontré la ministre de la famille Salva al-Badawi et son époux, conseiller spécial de l'émir, à propos du commerce du sexe. Ils nous demandent d'être leurs marchands de femmes en respectant l'islam. La charia stipule que leurs fournisseurs soient un pays islamiste et que les esclaves soient des prisonnières de guerre non musulmanes. La ministre m'a alors expliqué qu'avec l'aide de la Ligue de la Vertu, elle avait fait promulguer une loi aménageant cette directive religieuse. Bilal l'Algérien, sur un ton déférent. « Que dit cette nouvelle loi ?» Nourlan Charizov sortant papier sur lequel figurent des notes. « Désormais, le droit s'appliquant à l'esclave n'est pas celui applicable à la femme libre. La houra, la partie dégradante d'une femme libre, c'est tout son corps, sauf ses yeux et ses mains. C'est pourquoi elle porte le niqab. » Il marque une pause. « Quant à l'esclave, c'est uniquement la partie au-dessous de son nombril qui est houra. La femme musulmane s'épouse légitimement si elle est libre. S'il est esclave de compagnie, il suffit de l'acheter pour entretenir un commerce sexuel avec elle. En somme, avec cette loi qui distingue femme libre et esclave, l'homme peut être en règle avec la religion. » Bilal l'Algérien, voilante et très grave. « La distinction est subtile entre femme adultère, prostituée et esclave de compagnie. » Nourlan Charizov jette un coup d'œil sur son calepin. « C'est vrai, mais la ministre y voit un moyen pour la femme de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Nous ne voulons pas que nos maris se perdent dans l'abîme de la séduction ou se compromettent dans la fornication et les saletés, » dit-elle. Imadedinov regarde par-dessus l'épaule de Charizov. Youssouf Imadedinov, gêné. « En vérité, ce que le gouvernement koweïtien attend de nous, qui allons entrer en guerre contre les Russes, ce sont les prisonnières que nous leur livrerons. » Nourlan Charizov, soupirant. Il se fournissait en Bosnie grâce à la division Hantchar, justement. Mais depuis que la Bosnie veut rentrer dans l'Europe, il ne peut plus puiser dans le vivier de femmes croates et serbes. Du coup, il cherche ailleurs. Youssouf Imadedinov, soupirant aussi. Dès que nous aurons des détenus, il viendra nous les acheter. Tel un bien de consommation courant, il mettra en vente sur le marché ses esclaves de compagnie, comme ils le font pour n'importe quel animal domestique. Nourlan Charizov. Le gouvernement koweïtien nous paye les Bosniaques de la division Hantchar. Nous lui laissons le monopole du commerce des recluses que nous lui aurons livré. » Nouveau soupir. Youssouf Imadedinov, cherchant à se souvenir. « D'un point de vue islamique, il n'y a rien de mal à cela. Le grand calife Harun al-Rachid disposait de 2 000 esclaves de compagnie dans son harem et d'une seule femme légitime. Ce n'est ni indécent ni interdit. Notre loi religieuse, la charia, permet cela. Allah soit loué. Il y a beaucoup de riches commerçants et beaucoup de belles femmes slaves à capturer. » À n'en pas douter, pour les 8 officiers présents, cette explication du Void, le grand guide, Imadelinov et de son fidèle Charizov, semblerait à Moudjahidine un marché équitable. Pour eux, le fait de sentir que la bataille allait enfin s'engager était une délivrance. Peu leur importait le sort de quelques femmes à l'heure où leur mission était d'en faire des veuves et des orphelines. Pour ces soldats, rompus au maniement de toutes les armes qu'ils avaient reçues et qui parfois étaient d'un usage complexe, le soutien des Hantchars était un atout précieux face à l'armée rouge. Les 10 hommes échangèrent encore pendant 1 heure sur les problèmes d'intendance et d'entraînement avant de regagner leur camp de base respectif. Au 7 fin août, alors qu'il revenait de vacances passées en France avec sa femme, Koslov, en retrouvant le Kremlin et son bureau, fit le point sur les 7 mois d'activité de ses vols Kodlak. Depuis fin janvier, date de la réunion inaugurale avec le président Popov, plusieurs faits. Après un ratage à l'allumage en février, opération piège à ours fonctionnait. L'oblast de Kemerovo était enfin en proie aux incursions de groupes de Moudjahidin d'Islomi Arakati Mukawama. Le président Imadedinov tombait dans les mailles du filet en se voyant dicter à son insu le lieu choisi. L'idée d'utiliser la taupe placée par Imadedinov auprès du général Rostopchine, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air russe, avait aussi fonctionné pour transmettre une fausse information. Grande manœuvre de l'aviation programmée du 17 au 24 septembre. Le président Imadedinov tombait là encore, dans les mailles du filet, en se voyant dicter à son insu le moment choisi. Bref, les islamistes affichaient leur volonté d'en découdre dans l'espace et dans le temps, décidés par les vols Kodlak. La première mission de tes vols Kodlak sera d'aller tailler en pièces ces foutus terroristes et leur faire bouffer leur Semtex jusqu'au dernier pain, avait dit le président Popov à Koslov. Le plan de guerre, concocté pour mettre hors d'état de nuire le président tokaristanais Yusup Ramazanovitch Imadedinov, suivait son cours. Alexandre Koslov appela sa secrétaire pour qu'elle lui indique les rendez-vous inscrits à son agenda pour la semaine. « Vous partez à l'étranger pour 3 jours. Demain, à 4 heures du matin, vous prenez l'avion pour Astana avec M. Leonov. Vous devez rencontrer le président du Kazakhstan en milieu de matinée. Aussitôt l'entretien achevé, vous devrez vous rendre à Paris. Après-demain, vous représentez au siège de l'UNESCO le président Popov. Il regrette de ne pouvoir assister à l'installation du successeur du directeur général sortant. » Koslov passa un coup de téléphone à son épouse Vetlana pour l'avertir. « Ta fille Xenia va être déçue, » lui dit sa conjointe. « Nous devions aller ensemble au cinéma demain soir. » Il se désola. Il était chargé d'un double voyage et ne pouvait s'y soustraire. Il demanda à sa femme de ne pas ranger la valise.